Chanson pour être chantée de Félix Jeantet, enregistré pour LibriVox.org. À mon cœur joyeux, tremblez bas comme une feuille dans le bois mystérieux où le soir je me recueille pour songer à ses beaux yeux dans le bois mélodieux. Chante, chante une mésange, mais hélas que j'aimais mieux une voix au timbre étrange, rauque et doux, délicieux. Chante, oiseau, si tu le veux, tout le jour et la nuitée, chante à l'ombre et chante aux cieux, mon amour désenchanté, rêve au chant qu'elle aimait mieux. Dans le bois mystérieux, vé cherchant la violette, mais où sont celles des yeux, des grands yeux, Suzon, Suzette, qui faisaient mon cœur joyeux dans le bois voluptueux. Vé cherchant l'amour nouvelle, c'est le bois aux amoureux, et j'attends une autre belle pour baiser ses blonds cheveux, pour baiser ses blonds cheveux, pour baiser sa gorgerette dans le bois délicieux et ses yeux de violette qui feront mon cœur joyeux. Ah, galant, galant joyeux qui reçoit l'amour nouvelle plein de pleurs de tes yeux, ah, va-t'en, berger fidèle, que n'ai pu rendre oublieux. C'est le bois aux amoureux où j'attends une autre amante, mais voyez, j'ai perdu mieux. Et je pleure et me lamente. À mon cœur, vous êtes vieux. Fin du poème, enregistré par Ezoie, en Belgique, en août 2013. Cet enregistrement fait partie du domaine public.